Bonjour Steph, bonjour à toutes et à tous. Je suis Lulu. Mon métier est technicien prépresse en imprimerie et depuis quelques années dans le domaine du packaging en particulier. Salut Lulu, bonjour à tous les auditeurs, je suis Steph, graphiste, formateur et désormais dans l'éducation nationale, prof de design art appliqué. Je suis très heureux de partager mes conversations avec toi, Steph, sur tous les sujets qui nous intéressent, et ils sont nombreux, autour de nos usages des nouveautés technologiques ou face à elles, dans nos vies quotidiennes personnelles, domestiques, professionnelles, pouvoir partager ensemble toutes nos réflexions du moment et confronter nos expériences d'utilisateurs avisés, souvent sur fond lié au numérique. C'est aussi un grand plaisir de rendre nos échanges publics pour les partager avec les auditeurs, mais surtout d'apporter, je pense, une valeur ajoutée. Car ce qui nous intéresse, c'est l'expérience utilisateur. Bien au-delà d'un logiciel, d'une marque, d'une référence. En résumé, l'utilisateur, l'usage, le terrain. Et c'est aussi un petit retour aux sources pour ma part, derrière un micro, en souvenir du temps où tu m'appelais Lulu Mac. Donc, à très bientôt pour l'embarquement. Merci Steph, on se retrouve bientôt.